ou est-ce qu'à songer les années folles? Nous t'es qu'à danser bal créole. Fini dans tes bras, moi tout doudou pas faire wall. Nous qu'est retourné l'école. Doudou est-ce qu'à songer les francs Alfonso? Sam Castandé ou bien Stelio? Yo t'ai dit toute musique et tout ça qu'il faut. Pour nous ça Toto Blo. Sentiment. Et puis l'amour attend. Oui, yo dit c'est ma soeur qui plie. On voulait l'arc-en-ciel. Aïe, doudou, mauvais élève. Nous qu'à voyager, à dans le temps passé. Pour nous, ça dévirait. Qu'on première fois nous t'es mazouké. À la cadence pitché. Sentiment et puis l'amour a donné. Oui, yo dit c'est ma zone qui plie belle en couleur l'arc-en-ciel. Aïe, doudou, vaisselle, minou qu'a voyagé dans le temps passé pour nous a déviré. Qu'on première fois nous t'es mazouké à la cadence pitché. Doudou est sous qu'a songé les années folles. Nous t'es qu'à danser bal créole. Fini dans des bras, moins doudou pas faire wall. Nous qu'est retourné l'école. Doudou est sous qu'à songer l'époque Alfonso. Sam Castandé ou bien Stelio. Yo t'es dit toute musique et tout ça qu'il faut. Pour nous à Toto Blo. Et pas glisser, on nous allait. Mazou piché. Michel. Les parfums en y est. Je ne dois pas à souffrir. Pas glisser. Let's go.